بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى nous continuons dans le livre فضل رب البرية qui est l'explication du livre de l'imam Shawkani Rahimahullah, qui est Ad-Durar al-Bahiyya. Et nous sommes toujours dans le grand chapitre qui est Babu Kitab al-Salah. Et nous sommes dans le sous-chapitre Mata tabtulu salatu wa amman tasqut. Quand est-ce que la prière devient nulle? Et la prière n'est pas obligatoire sur qui? Et nous avons vu ici que il est interdit de parler dans la prière. Tabtulu salat bil kalam. La parole dans la prière est interdite, sauf si c'est fi islahi as-salah, dans la réparation de la prière. Et nous avons vu ici le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam qui ne savait pas que la parole avait été interdite dans la prière. Fajaa fi as-salah. Il est rentré dans la prière et quelqu'un a éternué. Il a dit Alhamdulillah. Donc, les Sahaba ont commencé à le signaler, mais ils ne savaient pas. Donc, après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Inna salatana hadhihi la yasbughu fiha shay'un min kalamin nas. Notre prière, la parole n'est pas permise dans cette prière. Innama hiya at-tasbih. La prière, ce qui est permis, c'est le tasbih. Wa takbir, le takbir. Tasbih, c'est subhanallah. Wa takbir, le takbir. Wa tilawat al-Qur'an. Et la lecture du Qur'an. Donc, si cela, ajma al-ulama. Les savants sont unanimes. Ala anna al-kalam fi salat. La parole dans la prière, amdan, exprès, siyama, ma ghayr al-imam, avec une autre personne, autre que l'imam, dans autre chose, autre que la réparation de la prière, yankudu as-salat. Cela annule la prière. Donc nous nous sommes arrêtés. Nous avons aussi parlé de Al-Harakat et aussi le fait de manger et de boire. Amdan, alors cela aussi annule la prière. Maintenant, celui qui boit ou bien mange ou bien parle, nasiyan, par oubli, alors sa prière n'est pas nulle. Car dans le hadith de Muawiyah ibn Hakam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé de reprendre la prière. Donc cela montre que il ne savait pas, jahilan, ou nasiyan, s'il a oublié, rufi al-qalam, an salas. Et parmi ces salas, il y a, non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, tajawaz Allahu an ummati, Allah a pardonné à ma communauté al-khata wa nisyan, l'erreur et l'oubli. Taïb. Donc ensuite, wa kazalika ad-dhahik, le fait de rire. Rire, wa huwa al-qahqaha, c'est le rire en faisant sortir la voix. Donc, cela aussi annule la prière bil ijma, le consensus. C'est comme la parole. Mais quant au tabassum, le fait de sourire, ça va, sourire sans faire sortir la voix, mais faire sortir les dents pour sourire, hada la yabtul salah, ça n'annule pas la prière. Ensuite, l'imam Shawkani dit, wa bil ishtighali bima laysa minha. Parmi les choses qui annulent la prière, il y a le fait de s'occuper de ce qui ne fait pas partie de la prière. Al-ishtighal bima laysa minha. Kaman yashtaghilu masalan bi khiyata. Comme celui qui s'occupe à coudre quelque chose. Aw najjara, ou bien à tailler du bois, ce que les menuisiers font. Aw shay'un kathir, ou bien il fait beaucoup de choses, ou yashtaghil, ou bien il s'occupe, bi jihazihi al-khalawi, c'est-à-dire son téléphone portable, cellulaire. Jihaz, c'est appareil, al-khalawi, c'est-à-dire le téléphone, alladhi yakhuzu, qui prend, wa huwa ma'ah, qui est avec lui à tout moment. Il s'occupe à manipuler son téléphone. Ça va? Wa ya'basu bihi, il s'amuse avec. Hatta yakhruja bihi dhalika, jusqu'à ce que l'amusement qu'il fait avec son téléphone le fait sortir an hay'ati salat, de la situation de la prière. Par exemple, si quelqu'un le voit, la personne se dira qu'il est en train de manipuler mais pas en train de prier. Mafoum? Faman nadhara ilayhi, celui qui le regarde, zannahu yashtaghilu bima huwa fi, pense que il est en train de s'occuper de ce qui est dans le téléphone, wala yazunnu annahu yusalli, mais il pense pas qu'il est en train de prier. Wa sabit anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana yataharrak harkatan qalila, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam bougeait un peu, c'est-à-dire faisait un peu de mouvement, wa khafifa, et un peu léger, kataqaddum, comme le fait de avancer, ba'd al-khutwat, certains pas devant, li fathi al-bab, pour ouvrir la porte, aw haml al-tifl, ou bien porter un enfant, wa wad'ihi, et le déposer, wa ma ashba, porter l'enfant lorsqu'il descendait en sujoud, il déposait l'enfant. Au bas de Zalika, l'enfant montait sur son cou. Et ensuite, il se levait avec l'enfant. Ça va? Ma femme? Toi, j'attends un bruit de ventilateur, c'est en haut? Non. Toi, donc, Bimana, il portait l'enfant et il le déposait. Fahada la yabtulu salah. Alors cela n'annule pas la prière. Cela n'annule pas la prière. Ma femme? Fahada la yabtulu salah. Amma al-haraka al-kathir. Quant à faire beaucoup de mouvements, al-mutawaliya, qui est continu, les ghayri d'orura, sans aucune cause, fatabtuluha, alors cela annule la prière. wa fasadu salatihi, et cela détruit sa prière. Li annahu fa'ala ma yunafi as-salah, car il a fait ce qui contredit la prière, ce qui annule la prière. Tayyib, naam. Et cela est venu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, wa huwa yahmilu Umama bint Zainab, Umama, la fille de Zainab. Cela est venu dans Al-Bukhari wa Muslim, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il priait, il portait la fille. Et lorsqu'il descendait, il la déposait. Et lorsqu'il remonte, il porte la fille. Waza, la yubte le sola, ça n'annule pas la prière. Ma foum. Wa qala al-mu'allif, nam. Non. Non. Non. Adalah Yajuz, c'est pas permis. Ça va? D'abord, la situation où tu es arrêté, tu peux faire le mouvement étant dans cette situation. Mouvement qui est Yassir. Mais quitter un Rukun pour descendre, aller prendre le téléphone, pour couper, puis pour revenir sur ce rokon, adali sa mintin si sol. Ça ne fait pas partie de la prière. Et il a fa la dalika amdan, ça annule sa prière. La bouddha minatana bouliad. Ça va? Qala al-mu'allif. L'auteur dit, wa bitarki shartin aw ruknin amdan. Si une personne laisse une condition, ou bien un prier, ça va, et il laisse cela sciemment, min ghayri uz, sans cause. Et nous allons voir que dans un rukun, on fait laisser un rukun à cause d'une cause, un prier de la prière à cause d'une cause. Par exemple, la station debout est un prier. Celui qui ne peut pas s'arrêter, il s'assoit. Donc il a laissé ce rukun ou pas, il a laissé se prier. Ça va? Ou bien laisser un shart, qui est le fait de prendre les ablutions, on peut laisser à cause d'une cause. Ça va? Et on a déjà expliqué cela ici. Tel que le malade, qui n'a personne pour l'amener quelque chose pour faire tayammum, ou bien personne ne l'envoie de l'eau pour prendre les ablutions, et que l'heure de la prière va passer, alors celui-là, il doit prier comme ça, même s'il n'a pas pris les ablutions. Wa salatu wa sahih. Et sa prière est correcte. Comme a dit Allah fi dinikum min haraj. Allah n'a pas mis de difficultés dans votre religion pour vous. Soyez. Mais là, on parle de celui qui délaisse un prier ou bien une condition sans une excuse. Léana Sharp. Car la condition yu'assir adamu, son manque a des effets fi adam el mashrut, dans le manque aussi du conditionné qu'est la prière. C'est-à-dire, si le shart n'existe pas, la prière aussi n'existe pas. Ça va? Fa idha udima shart, si le shart manque, la condition manque, udima tu solat, la prière aussi va manquer. N'est-ce pas? La preuve montre cela. Faqawl le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la salata liman ahdasa hatta yatawatta. Il n'y a pas de prière pour celui qui est en état d'impurité jusqu'à ce qu'il prenne les ablutions. Ça va? Wal wudu laysa juz'an min as-salah. L'ablution n'est pas une moitié de la prière. Ça va, une partie de la prière. Mais l'ablution est en dehors de la prière. C'est une condition. D'Allah ala anna wa shart, et cela montre que c'est une condition. Parce que la condition doit précéder le conditionné. Ça va? La condition doit précéder. L'imam est ici, wada wa shari. Alors, le législateur a mis cette condition. La yaqbalu l'amalu illa bi. Et l'action n'est acceptée qu'avec cette condition. Wa amma ar-rukn. Quant au prier, فَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّنْ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ. Le prier est une partie de l'adoration. Ça va? Si je dis par exemple, le recours, c'est un prier. Le recours est dans la prière ou pas? C'est une partie de la prière. Le sujoud est une partie de la prière. N'est-ce pas? C'est ce qu'est le prier. Mais quant au shart, le shart ne fait pas partie de l'adoration elle-même. On te dit, la condition pour prier, faut d'abord prendre les ablutions. Est-ce que l'ablution fait partie de la prière? Non, c'est la condition. Sinon, dans la définition des deux, chez les usuliyin, ashart, rukn, c'est la même définition. Ça va? C'est la même définition. C'est-à-dire, la définition c'est quoi? Ce dont son manque amène le manque du conditionné. C'est-à-dire, si le shart ou bien le rukn n'est pas dans une adoration, l'adoration n'existe pas. Ça va? C'est-à-dire, si on ne respecte pas le shart avant l'adoration, l'adoration n'existe pas. Si on rentre dans l'adoration qu'on ne respecte pas le rukn, l'adoration aussi n'existe pas. Mais la différence entre le shart et le rukn, c'est que le shart n'est pas dans l'adoration elle-même. Mais le rukn fait partie de l'adoration. Ça va? Toyib. Donc, ici, fala tujadu l'ibada illa bihi. Donc, l'adoration ne va pas exister sauf avec le plié. Ça va? Faslun. Donc, un autre sous-chapitre. On va parler maintenant, c'est wala tagibu ala ghayr mukallaf. La prière n'est pas obligatoire sur ala ghayr mukallaf, c'est celui qui n'est pas mukallaf. Le mukallaf c'est qui? C'est al-baligh, pubère, la personne qui est déjà pubère et qui a la raison en place. C'est celui-là qui est mukallaf. Ça va? Donc celui qui a déjà atteint la puberté, c'est lui qui est mukallaf. Mais celui qui n'a pas encore atteint la puberté, ghayr mukallaf. Celui qui est fou, il est ghayr mukallaf. Celui qui atteint n'a pas encore atteint la puberté, ghayr mukallaf. Non? La puberté en Islam, ça commence à partir de quel âge? Non. Laisa lahu had. Il n'y a pas de limite connue pour la puberté. La puberté peut surgir où un enfant à l'âge de 12 ans, comme ça peut arriver à l'âge de 13 ans. Mais ce que les savants y mettent généralement, c'est l'âge de 15 ans. Ça va? Comme ça, à Charasana, ils mettent 15 ans. Mais voilà que la puberté surgit à quel moment pour le petit garçon? C'est lorsque Yambitou Char, le poil du pubis, commence à pousser un peu et que l'enfant a déjà vu un seul coulement. Ça va au niveau du mani, du sperme, alors il atteint la puberté. Ça va? Pour la femme, c'est le haït, le menstrué. Mais généralement, ça dépend des enfants et ça dépend de leur morphologie, de comment ces enfants-là grandissent. Il y a des enfants jusqu'à même peut-être souvent à 16 ans, il n'a pas encore vu ces signes-là. Il y a d'autres à l'âge de 11 ans, 12 ans, déjà tu le vois, on dirait un enfant de 15 ans. C'est comme ça. Mais à Sahi, ce qui est correct, il n'y a pas de had ma'loum. 15 ans, les savants ont mis cela comme ça. Parce que Ghaliban, l'enfant déjà, s'il arrive à 15 ans, on se dit qu'il a déjà atteint la puberté. Ça va? Donc, hada ma'ana al-bulugh wa ma'ana mukallaf. Donc, la prière n'est pas obligatoire sur celui qui n'est pas mukallaf. C'est-à-dire l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Faqad qaddamna. Et nous avons vu anna la ibadat yashtaritu li wujubiha al-bulugh. Les adorations, leur obligation est conditionnée par la puberté. Le Qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Wufi al-qalam an-salas » La plume est levée sur trois personnes. « Faminhum as-sobi » Parmi eux, il y a l'enfant « Hatta yahtalim » jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. L'enfant. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, Nasa'i ibn Majah, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Walakin, mais, in fa'alaha, si l'enfant prie, wa huwa mumayyizun, et il a l'âge de tamyiz qui est à partir de 7 ans, jusqu'à monter, alors, qabla al-bulugh, avant la puberté, sahhat minhu, sa prière est correcte, wa ujira alayhi. Et il est récompensé par cette prière. Et yasihu an yakuna imaman. Et c'est correct que cet enfant soit imam. Ça va? Même s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Il y a les sahaba, tels que Ibn Amr, qui a fait prier à l'âge de 7 ans. Ainsi de suite. Taïm. وَكَذَلِكَ يَشْتَرِتُ لَهَ الْعَقْلِ C'est de même, il est conditionné, le aql, la raison, est conditionné, n'est-ce pas, pour que la duration devienne obligatoire sur une personne, la raison est conditionnée. Le قَوْلِهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ À cause de la même parole du prophète Sassam qui dit رُفِعَ الْقَلَمْ أَنْ سَلَاسِ La plume est levée sur trois personnes. وَمِنْهُمْ Parmi eux, il y a Al-Majnoun, celui qui est fou, hatta ya'qil, jusqu'à ce qu'il gagne la raison. فَالصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونَ L'enfant et le fou, la tajibu alayhima. La prière n'est pas obligatoire si les deux, لِأَنَّهُمَا غَيْرَ مُكَلَّفِينَ Car ils ne sont pas chargés de leur action. غَيْر مُكَلَّف Le fou, il n'est pas mukallaf, n'est-ce pas? L'enfant aussi n'est pas mukallaf. Toyib. Alakin, quelqu'un va poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de frapper l'enfant à l'âge de 10 ans, s'il ne prie pas? Azali tamrin, c'est pour l'enseigner, le forcer à prier avant que l'âge de la puberté arrive. وفي هذا دليل il y a en cela une preuve qui montre l'erreur de certains parents lorsque l'enfant veut faire iltizam sur certaines choses les parents lui disent mais tu n'es pas encore arrivé donc laisse si tu es arrivé tu vas le faire par exemple une petite fille qui veut porter le hijab fermer le visage tu vois certains parents qui disent à la fille, non, ce n'est pas encore arrivé. Si tu arrives, tu vas fermer. Tu sais aujourd'hui la décision que l'enfant a prise. Mais demain, halta arifonahad, est-ce que tu connais cela? Hein? Et si l'enfant aime la chose et que l'enfant décide de le faire, encourage l'enfant. Encourage l'enfant de fermer son visage. Rakin Badul Arba, c'est un père. Il refuse cela. Ça va? Et après l'enfant grandit, ou bien certaines mères même, refusent cela. C'est comme il y a une petite fille dans l'école à Niama, elle a décidé de fermer. Elle est venue, elle a fermé son visage. Elle n'est pas aussi loin de la puberté. Elle a fermé son visage. Et le lendemain, j'ai vu elle enlever. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as enlevé? Elle dit, c'est sa maman qui dit d'enlever, qu'elle n'est pas encore arrivée. Pourtant, sa maman, elle est mutahajiba. Elle porte le hijab. Elle aussi est ferme. L'enfant a vu ce que tu fais, l'enfant veut t'imiter. L'enfant veut te ressembler. L'enfant veut obéir, comme sa mère a obéi. Mais pourquoi tu ne veux pas que l'enfant porte? Elle a dit à l'enfant d'enlever. Moi, j'ai appelé le papa. Je lui ai dit, ça, Tu peux regretter cela demain. Donc fais l'effort de laisser l'enfant l'apporter. Ne lui dis pas d'enlever. Parce que tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. N'est-ce pas? Si l'enfant décide de ne pas le porter, demain qui va mordre ses doigts? Hein? C'est vous. Donc, quelque chose n'est pas obligatoire sur elle. La chèque, le niqab, le hijab n'est pas obligatoire sur l'enfant à cet âge. Parce que l'enfant n'a pas atteint l'âge de la puberté. Donc, elle est ghayr mukallafa. Mais si l'enfant décide de le faire, alors encourager et puis même entraîner les enfants à cela. Entraînez-les à cela. Au takalif. Tu vois? Parce que l'enfant, il y a deux personnes que l'enfant voit comme des modèles parfaits. Sur cette terre-là. Même si tu déposes le plus grand savant sur la terre, et tu lui dis, entre lui et puis ton papa là, qui est plus savant, il va dire c'est son papa. Ou bien, son papa, la ahad yafou, il n'y a personne qui prend le dessus sur son papa. Tu lui demandes aussi, et ta maman, il va dire c'est sa maman qui est la plus savante. L'enfant regarde en vous un modèle. Donc, habituez l'enfant à cela. Donc moi je lui ai dis à ta femme de laisser l'enfant porter. Mais dernièrement, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu l'enfant. J'ai essayé de forcer, j'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas... Va porter l'enfant même quand il faut, elle ne veut pas. Il dit, je vais parler à ton papa, elle serre son visage. La moustra. Hein? Faye, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous préserve. Souvent, on est la propre cause de la mauvaise éducation de nos enfants, sans même qu'on ne s'en rende compte, soit par nos actions, soit par nos paroles, parce que les enfants sont des parfaits copieurs. L'enfant, il copie. Tu connais photocopie, non? Quand il dépose, tu photocopies quelque chose, c'est comme ça l'enfant copie tout ce qu'il voit. N'est-ce pas? Qu'Allah nous aide. Donc, قال المؤلف, l'auteur du livre dit, وتسقط عمن عجز عن الإشارة. La prière, l'obligation de la prière tombe au sujet de celui qui est incapable de faire un signe. Ça va? Incapable de faire le signe. Le signe, c'est quoi? Quelque chose de la prière. Et on va expliquer. فَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ. Celui qui n'a pas la capacité. مِنْ فِعْلِ عَمَلٍ. De faire une action. مِنْ عَمَلِ الصَّلَةِ. Parmi les actions de la prière. سَقَتَ عَنْهُ. Cela tombe. Et ce n'est pas obligatoire sur lui. ذَلِكَ الْفِعْلِ. Cette action-là seulement tombe. Pas toute la prière. سَوَانْ كَانَ رُكْنًا. Que ce soit un plié. أَوْ شَرْطًا. Ou bien une condition. Autre que cela. Le Qawli Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Salli qa'iman. Prie debout. N'est-ce pas? Fa in lam tastati. Si tu ne peux pas, fa qa'ida. Prie assis. Fa in lam tastati. Si tu ne peux pas, fa la jambe. Prie sur le. C'est-à-dire couché, sur le côté. Tayyib. Donc ce hadith vient d'un Bukhari et c'est le hadith d'Imran ibn Hussein. Wa aqallu ma yastati'u al-mar'u. La plus petite chose que l'être humain peut faire min afali salat, c'est al-ishara bi-ras. C'est le fait signe avec la tête. Ça va? Signe avec la tête. C'est-à-dire, s'il ne peut pas s'arrêter, il s'assoit. S'il ne peut pas s'asseoir, il se couche. Maintenant, s'il se couche, qu'il ne peut pas bouger la tête, c'est le plus petit signe dont il est possible de faire. S'il ne peut pas le faire, alors sabata anhu salat. La prière n'est pas obligatoire sur lui. S'il ne peut pas le faire, s'il ne peut pas bouger la tête, par exemple celui qui a tout le corps paralysé, et que sa tête peut bouger, alors la prière est toujours obligatoire sur lui. Mais si la tête ne peut plus bouger, la prière n'est plus obligatoire sur lui. Et même lorsqu'il revient à la santé, il ne rembourse pas ses prières. Wala wa min asahi qawl al ulama. Ça va? Même si ça a raison en place. Wa akallu, la moindre chose que l'être humain peut faire dans la prière, c'est al-ishara biras. Bi an yakhfida wa khafdan. C'est-à-dire, il bouge la tête, il descend un peu la tête. Wa yakunu khafduhu fi sujud, le fait de baisser la tête dans le sujud soit plus bas que le ruku. Ça va? فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ, mais s'il ne peut pas, فِيْلَ شَيْءٍ مِنْ أَفَالِ الصَّلَاةِ, de faire quelque chose de la prière, حَتَّى الْإِشَارَةِ بِرَاسِ, même le fait de bouger la tête, سَقَطَ عَنْهُ الصَّلَاةِ, la prière n'est plus obligatoire sur lui. لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, à cause de la parole d'Allah, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, craignez Allah selon vos capacités. وقوله, et sa parole, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, Allah ne charge pas une âme de quelque chose que ce qu'il peut supporter. Voyez, mais وأما الإيماء, quant au fait de faire le إيماء, bouger بالعين, l'œil, والحاجبين, et les deux soucis, ça va bouger cela. Si on peut plus bouger la tête, on bouge cela pour prier. Comme a dit le Bahru Ahlil, comme a dit certains savants, fala asla lahu fi shar. Ça n'a aucun fondement dans la charia. Non. Oui, tu peux pas faire avec la tête, bouge l'œil. Ça n'a aucun fondement. T'as pas de dalil. Aucun dalil. Fala al-ima. Car si on parle de divergence, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il n'y a pas de dalil. Fa'ad al-ima, c'est-à-dire ce bougement des yeux-là, laisse min afali salah. Ça ne fait pas partie des actions de la prière, wala badalan anha. Et rien ne peut remplacer cela. Donc, s'il est incapable de bouger la tête, la prière n'est plus obligatoire sur lui. Mafoum? As-salat la tajibari. نعم. قال ادي ensuite وَأَمَّنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ, et celui qui est évanoui, ou bien on peut dire dans le coma, حَتَى خَرَجَ وَقْتُهَا, jusqu'à ce que l'heure de la prière est sortie. Cette masala, c'est une masala qui est très importante, qu'on mentionne. وَكُنْتُ أَقُولُ, moi je disais le contraire de cela. Fala hadha inni ra'aytu anna sahih hadha al-qawl, j'ai vu que ce qui est correct c'est cette parole. Wa illa, quand les gens me posaient la question à ce sujet, je donnais autre que cet avis là. Ça va? Fala kinataraja, et je crois que c'est cet avis là qui est le plus correct. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. لأن المغمى عليه كالمجنون. Le مغمى عليه, celui qui est évanoui, ou celui qui n'a pas, qui est dans le coma, il est comme le fou. لا عقل له, il n'a pas de raison. يدرك بوقت التكليف, pour connaître le moment de l'obligation. فإذا خرج وقت الصلاة, si l'heure de la prière sort, وهو على ذلك, et il est sur cela, l'âme yukallif biha, il n'est pas chargé de cela. C'est-à-dire, moi je disais, selon certaines paroles des savants que j'avais vues, que celui qui tombe dans le coma, ou bien celui qui est évanoui, et que l'heure de la prière sorte, s'il se réveille, il doit rembourser la prière. Selon la parole de certains savants. Voilà qu'il n'a sahi, c'est qu'il n'a pas remboursé. Est-ce que vous comprenez? Le sahih, ce qui n'est pas remboursé. Voilà le qawl du mur. Parole de la majorité, et c'est ce sur quoi le dalil est très clair. Pourquoi? Car regardez ici, celui qui est Oumiyari, qui est évanoui, alors il est comme celui qui n'a pas la raison. N'est-ce pas? Il est comme le fou. Parce que le fou, il n'a pas la raison. Celui qui est évanoui n'a pas la raison. Mais je donne un tafsir qui est très important ici. Le chef Mohamed bin Salih al-Husseymin, il donne ce tafsir là. Il dit, si la personne a été la cause, ça va, de son évanouissement, ou bien de sa perte des raisons, par exemple, il a pris une substance, hein, comme les gens disent, Wodi, ou bien il appelle Kadhafi, ils deviennent comme des, non, comme, ils appellent ça comment même là, les zombies, voilà, ils deviennent comme des zombies. Voilà. Donc, Cheikh Ousseymine dit, si quelqu'un prend quelque chose qu'il enlève dans l'état de Aql, s'il revient à la raison, il rembourse la prière. Ça, c'est le tafsir que Cheikh Ousseymine donne et certains savants donnent. Voyez là, s'il est évanoui de façon à ne pas prendre quelque chose qu'il enlève dans cet état, il est évanoui, par exemple, il est sur le lit d'hôpital, il est tombé dans le coma, ou bien, pour sa guérison, les médecins lui ont fait des injections pour le mettre dans le coma. Que le hasard, même s'il se réveille, là, il a de tout cela. Yani, il n'a pas de prière à rembourser. Non? Moi, j'ai une question. Vas-y. Dans le cas où, par exemple, la personne, c'est par rapport à une opération. Non? Est-ce que la personne rentre dans ce cas-là? Si la personne se réveille et on est réanimé après l'opération? Non. Les prières que la personne a peut-être pu rentrer, est-ce que la personne va rentrer? Non, cette parole est âme. Dans le sens que si tu n'as pas été la cause, tu n'as pas été la cause, toi-même tu n'as pas été la cause de ton évanouissement, alors tu n'as rien à rembourser. Même si cela rentre dans le cadre de la maladie, où on te fait des injections pour pouvoir te guérir, et que l'heure de la prière sorte, tu es considéré comme celui qui n'a pas la raison en place. Et la prière n'est pas haute, c'est pas, tu ne rembourses pas ce qui t'a passé. Ça va? Toi-même? S'il est dans le temps, il rembourse. S'il se réveille dans le temps de cette prière, il prie. Ça va? Non. Est-ce qu'il ne peut pas faire la prière avant de faire l'opération? Taïb. Ici, il y a la parole de certains savants qui disent que s'il est dans un moment de la prière et que il n'a pas prié cette prière et qu'on lui fait l'injection ou on lui fait quelque chose pour qu'il puisse dormir et qu'il se réveille dans un temps, juste après le temps de l'autre prière, il rembourse la prière qui est, parce que il est rentré dans le coma dans un moment de prière. Ça va? C'est ce détail aussi qu'il faut comprendre. Mais à la foulehan, la parole est âme. Tu comprends un peu? Yas koutou, celui man ormi alayhi, celui qui est évanoui ou bien dans le coma. La prière, il n'a pas à rembourser la prière. Allah n'a pas mis de difficultés. Regardez, il y a certaines personnes qui tombent dans le coma 10 jours. Si on les demande de rembourser. Hein? D'autres aussi tombent évanouis toute la journée. Il est évanoui. Hein? Mais celui qui va boire l'alcool et il reste évanoui toute la journée, il se réveille, il rembourse. Dianahu sara sababan dizalik. Il a été la cause de cela. C'est très important. Qala rahimahullah. L'auteur du livre dit, wa yusalli al-marid qa'iman summa qa'idan summa ala jamb. C'est-à-dire le malade, il prie debout s'il a la capacité. Ou bien assis s'il n'a pas la capacité de s'arrêter, ou bien sur le côté, s'il n'a pas la capacité de s'asseoir. Voilà qu'il la Bouddha min Bayan, on doit clarifier quelque chose, il y a certaines personnes, une petite maladie, je ne dis pas qu'il n'y a pas de petite maladie, mais à la couleur, c'est une maladie qui le. C'est-à-dire, il peut s'arrêter, mais il préfère s'asseoir. Alors, il y a tout le solat. Sa prière nulle. Pourquoi? Car le fait de s'asseoir est réduit sur l'incapacité. Est basé sur l'incapacité. Rasoul samedi fa il lam testatir. Al istita'a, c'est quoi? Qui peut mener le son de l'istita'a? Non. Al-istita'a. Maman istita'a. Capacité. La capacité. Rasoul samedi fa il lam testatir. S'il n'a pas la capacité. Faqa'ilan. Qui ça c'est? Pourtant, il se peut que tu es malade, mais tu as la capacité de t'arrêter. Même si Al-Qiyam, ça ne va pas être long. Retenez bien cela. Si tu vois que l'imam est Dieu, tu peux t'asseoir. Si tu sens maintenant de l'incapacité de t'arrêter. Mais certaines personnes, kull al-marad, toutes les maladies, même si c'est un mot devant, tu s'assois. Hein? Ça va? Ah, il fait pas défaut. Alors, Moustam, c'est comme une fois j'ai vu quelqu'un, son bras est cassé. Il est assis dans la prière. Il est en train de prier. Hein? Ah oui. Il s'en met. Il peut s'arrêter. S'il descend, il descend avec un bras. Hein? Il a marché pour venir à la mosquée. Hein? Ah. Ceux qui ont les yeux opérés. Ah. Il y a tout ça aussi. Donc si tu as la capacité de t'arrêter, ça devient obligatoire pour toi de t'arrêter. Maintenant, si tu ne peux pas, faqa, idan, tu t'assois. Si tu ne peux pas qa'idan, fa'ala janb. À la janb, tu te couches sur le côté pour prier. Voyez-vous? L'assise sur le gâteau, si tu veux, tu t'assois, même si tu te sens bien. Même si tu n'as pas de problème. Sur le gâteau, on ne parle pas de sur le gâteau. Sur le gâteau, si tu veux, tu t'assois. Mais obligatoire, tu t'arrêtes. Maintenant, s'il arrive que dans la prière obligatoire, l'imam s'assoit, tout le monde s'assoit. Innama ju'ila l'imam, li yutamma bihi. L'imam a été placé pour le suivi. Fa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan. Wa idha salla qa'iman fa sallu qiyaman. Priez debout. S'il est debout. Ça va? Tayyib. C'est-à-dire, an yusolli qa'iman idha qadara li dhalik. Qui prie debout s'il a la capacité? Fa in lam yaqdir. Mais s'il n'a pas la capacité, fa yusolli qa'idan. Qui prie assis? Fa in lam yaqdir. S'il n'a pas la capacité de s'asseoir, fa ala jamb. Qui prie sur le côté? Les hadiths, à cause du hadith de Imran, Ibn Hussein al-Mutaqaddim, le hadith qui a précédé. Ensuite, une autre masala. Wa yukrahu mashul hafa wal ikhtisar. C'est détestable de faire mashul hafa wal ikhtisar. Mashul hafa, c'est le fait de descendre en sujoud et enlever les petites pierres devant, c'est-à-dire balayer l'endroit du sujoud. Hein? Ada mashul hasa. Et c'est détestable. Ça va, mais ça n'annule pas la prière. Mais c'est détestable de faire mashul hasa. Wal ikhtisar, c'est le fait de s'arrêter et mettre les deux mains sur la hanche. Ça va? C'est ici la hanche, non? Mettre ça sur les deux côtés comme ça. Adamana Isertisor. T'as vu, quand une femme porte un enfant au dos, là où l'enfant s'assoit, ça va? Là où l'enfant se limite, où il s'assoit, mettre les deux mains comme ça. Comme, tu vois, généralement, les gens qui font miss, de la manière qu'ils attrapent leur... voilà. Donc, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. Ok? Voilà, toi, il... On va faire... Ah, j'ai ma fille Roubard. Il n'y a pas Roubard dessus. Je ne devais pas prendre l'exemple. Et voilà, laissez-moi. Toi, donc, c'est juste un exemple. Le fait d'attraper Al-Khasira, ici. Ça va? Comme ici, c'est l'os qui est au niveau d'ici, entre la colonne vertébrale, l'os qui se limite avant les fesses, qui est sur le côté. C'est ce qu'on appelle Al-Khasira. Donc, attraper cela comme ça. Au lieu que tu attrapes les deux mains, la personne s'arrête comme ça pour prier. Oui. Ça, c'est interdit. Ça va? Tayyib. Wala i'adata. Il ne doit pas reprendre à la manfa à la dalik. Celui qui fait cela ne doit pas reprendre la prière. À cause des hadiths de Mu'ayqib. Qala idi zakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mas fi al-masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le fait de suyer devant soi dans la mosquée. Parce qu'à l'époque, les mosquées n'avaient pas de carreaux, de trucs. C'était le simple. Voilà pourquoi les Arabes sont venus pisser. Ils ont versé de l'eau là-dessus. Ça va? Ils sont venus pisser, ils ont versé de l'eau. Donc, Tayyib. Mais il arrive souvent qu'on va, on se trouve en brousse, ou on se trouve en état de voyage, on s'arrête quelque part pour prier, et il y a des pierres devant soi. Alors ce qui est mieux, c'est de nettoyer avant de rentrer dans la prière. Ça va? Mais si tu rentres déjà dans la prière, ça va? Lorsque tu rentres dans la prière, le fait d'essuyer ces petites pierres devant toi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « In kunta fa'ilan fa wahida. » Si tu veux le faire, fais une seule fois. Mais il y a des gens, « Fa'al tour. » Le temps qu'il descend, il fait cela. Et il enlève quelque chose. Quand il descend, il enlève quelque chose devant lui. Ça va? Donc ce hadith vient dans Al-Bukhari. L'imam Nawawi, il dit, l'imam Abu Zakaria Sharafuddin, النووي. إذا اتفق العلماء، إذا لا سافنس إنانيم على كراهية المس، sur le caractère détestable du mas, du fait d'enlever, de nettoyer les pierres devant soi. لأنه ينافي التواضع، c'est le contraire de l'humilité. Ça va? C'est le contraire de l'humilité. Tu vois ceux qui sont orgueilleux, ça va? Da iman, hein? Ils veulent toujours, hein, comme ce que certaines personnes font aujourd'hui, qui n'est pas une sunna, qui est même quelque chose qui est mohdas. Aradjou l'Izadia fait masjid, il vient à son tapis, c'est retourné à son tapis. Son tapis est toujours avec lui. Hein, daïman. Tu sais, jusqu'à présent, il y a des mosquées qui font à distance. Hein. Tu sais ça? Distance de Corona. Il y a des mosquées qui continuent à faire. Oui. Quelle autorité? Autorité même qui puisse dire les trucs de Corona, il y a eu 10 personnes qui ont eu. Et tu vois ça encore? Hein? Hein? Comment? Voilà, eux-mêmes ils font. Non, ils font pas. Hein? Je ne pense pas qu'ils font. L'autorité fait toujours séparer. Donc, c'est pour dire que, non, ici, ça contredit le mérité, le fait d'essuyer toujours devant soi, et d'autres qui envoient toujours des tapis. Quand tu les dis, ils disent non, que ils savent que dans la mosquée, ils sont allergiques. Si réellement, c'est une maladie que la personne a, c'est une excuse. Ça va? C'est une excuse. Mais d'autres, c'est kibre. Alors, il ne va pas prier sur le tapis de quelqu'un. Il faut lui-même son tapis. Bien moelleux là. Hein? Bah, on s'est dit. Ou amma l'ikhtisar. Quant au ikhtisar, fawa wad'u l'yadayn, c'est de mettre les deux mains à l'al-khafira fi salat, sur la ceinture. Voilà, c'est ce que je cherchais depuis. Sur la ceinture. Mettre les deux mains sur la ceinture. Wa khafiratul insan, le khafira, c'est de l'être humain, ma bayna adnil hawdi. C'est entre l'os qui est pelvienne, wa asfal al-idla, et le bas des côtes. Ça va? Wa ba'du nisa, c'est une femme, tajlisu ibnaha, son fils s'assoit, indama tahmiluhu ala jandiha. Son fils s'assoit sur cet os-là, lorsqu'elle porte l'enfant. C'est-à-dire, ala al-khasira. C'est le khasira, la ceinture. Voyez. Wa dalil al-karaha, hadith Abi Huraira. Le dalil qui montre que cela est détestable, c'est le hadith d'Abi Huraira. Il dit, naha al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an yusalli al-rajul, mokhtasiran. Que l'homme prie, mokhtasiran, c'est-à-dire, attraper sa ceinture. Naha anhu, il a interdit cela, li annahu fi'lu al-yahoud. Car, c'est l'action des yahoud. C'est les yahoud qui font cela. Les juifs. Wa yukrahu, et c'est détestable aussi, an yusalli na'isan. Maman Ananas, somnolent. Qu'il prie somnolent. C'est détestable. Qu'il prie somnolent. Mafou? Le Qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. À cause de la parole du messager d'Allah, il a na'asa ahadukum. Si l'un d'entre vous est en train de somnoler, wa huwa yusalli falyarqud. Pendant qu'il prie, qu'il se couche pour dormir. Hatta yadhhabu anhu an-nawm. Jusqu'à ce que le sommeil le quitte. Fa inna ahadakum. Car l'un d'entre vous, il a salla wa na'isan. S'il prie pendant qu'il est na'is, la yadri, il ne sait pas, la'allahu yastaghfir. La yadri, pendant qu'il a tenu fait istighfar, peut-être que fa yasubu nafsa. Il entend s'insulter lui-même. Mais il ne sait pas. Parce qu'il est naïs. Le tana'us, c'est quelque chose. Les gens ne sont pas à la haddisawa. À la haddisawa. Ils ne sont pas pareils dans le tana'us. Il y a certaines personnes, lorsque le tana'us les prend, ça devient obligatoire pour lui-même de se coucher. Ça va? C'est-à-dire que, la ya'i shay'an. Il ne voit rien. J'ai un ami comme ça. Quand lui, on finit de prier Isha. Non, c'est fini. Souvent même, on doit le prendre pour l'envoyer à la maison. On le réveille, réveille, réveille, réveille. Non, ça, tu n'as rien fait. On le prend pour l'envoyer à la maison. C'est-à-dire qu'après Isha, lui, il est déjà KO. Naïsan, Naïsan, Naïsan. Cela arrive. C'est telle personne comme ça. Donc, voilà pourquoi la charia vient dire, si tu pries Naïsan, alors, Farkoud, couche-toi et dors. Ça va? Ensuite, wa hadithun nafsi, hadithun nafs, ce qui arrive dans le cœur de l'être humain. Il y a là aussi de soi là. Parce que tu peux être là en train de prier, et tu, la personne, il arrive de, directement, il pense à un péché. Ou bien quelque chose qui est haram. Ou bien, il y a des choses qui viennent dans la tête. Ça va? Il pense à son commerce. Voilà. Le shaitan, c'est là-bas. il gagne les gens. Alors pourquoi cela vient de la parole Ananasitul An Manzakarat al Kalam? C'est quoi? Il dit, lorsqu'il veut se rappeler de quelque chose, il rentre dans la prière. Le shaitan le rappelle. Ça va? Le shaitan le rappelle. Parce que tout ce que tu oublies, quand il vient dans la prière, le shaitan commence à te rappeler ça. Ah ouais. Avant hier, il y a telle personne qui a pris ton argent. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Donc, tu commences à te rappeler. Là où Moustahad. Donc, hadith ou nafs, la yusul swala. Ça ne n'annule pas la prière. Voilà qu'il n'a rien pour soi-jouha. Mais, hadith ou nafs, ça diminue les mérites de la prière. N'est-ce pas? Ça diminue les hasanat de la prière. مفهوم؟ قال لحديث عمار بن ياسر أقول لحديث عمار بن ياسر كذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire إن الرجل لا ينطرف من الصلاة l'homme quitte la prière c'est-à-dire finit de prier وما كتب له إلى عشر صلاته et il lui a été inscrit que le dixième de sa prière. Le dixième, c'est quoi? C'est-à-dire, on divise les mérites de la prière en dix et il a une partie. Que le dixième de sa prière. Ça va? Ou bien, tis'uha, il a le neuvième. Sumnuha, le huitième. Sub'uha, septième. Sudsuha, humsuha, rubu'uha, sulusuha, nisfuha. Il a souvent la moitié, s'il a la moitié, c'est qu'il a eu quelque chose. Non, ça c'est le hadith qui est sahih, c'est le hadith de Ammar ibn Yasir qui vient dans le musnad de l'imam Ahmad Abu Dawud. Et le hadith est bon. Wa idha tasa'aba fi s-salah, et aussi s'il baille dans la prière, amsaka la famille, il ferme sa bouche. Le Kawlih sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Iza tasa'aba ahadukum, si l'un d'entre vous baille dans la prière, faliyamsik, ou yumsik à la famille, qui ferme sa bouche, fa inna shaytan yadkhul, le shaytan rentre. Ceux qui cherchent le dalil, qui dit le shaitan ne rentre pas dans le corps de l'homme, il ne possède pas l'homme. Voilà les dalils. N'allez pas loin. Shaitan, il possède le corps d'un homme. Il rentre dans le corps d'un homme. N'est-ce pas? Voilà le nassu. Mais moi, là, ça, j'ai vu un imam une fois qui a argumenté, il dit, il n'y a pas de dalils qui montrent que le shaitan possède, il rentre dans le corps de l'être humain. وهذا حديث أخرجه مسلم في حديث رواه الإمام مسلم لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفي رواية نزل رواية فليقضم ما استطاع كل سريتين صبا سيدي سيدوا بيء قال بيمان بين الشيطان. S'il doit bailler, il doit faire l'effort de ne pas le faire. Il doit faire l'effort de bloquer. Maintenant, s'il n'a pas pu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il met la main sur sa bouche pour fermer. Ça va? Wa ma hadith ou nahyi. Quant au hadith qui vient, c'est l'interdiction de taghtiyat al-fam fi s-salah. L'interdiction de fermer la bouche dans la prière. Ce hadith a été rapporté par Salas Ruat, trois rapporteurs. Fihim Da'af. Et ces trois-là, ils sont tous da'if. Wa akhtalafu fi. Et ils sont divergés. Fa ahdum rawa ba'd. Certains ont rapporté, d'autres ont rapporté certaines parties. Wa lam yurwa at-taghtiyat fi. Mais il n'a pas rapporté le fait de fermer la bouche dans son hadith. Wa al-akhar Rawa At-Taqiya. D'autres ont rapporté le fait de fermer, l'interdiction de fermer la bouche. Wa hadhani riwayatan muttasila. Mais ces deux riwayas sont muttasil. C'est-à-dire, ne sont pas interrompus. Mais eux-mêmes, ils sont daif. Quand on dit muttasil, c'est-à-dire, c'est le hadith qui est pris. An. Et on regarde. D'abord, je vous explique. Pour que vous compreniez. Hadith muttasil. Ou bien, d'autres disent hadith musnad. Ça va? C'est par exemple, j'ai trois personnes, mais il y a plusieurs personnes dans la chaîne de transmission. J'ai trois personnes, par exemple. J'ai Zayd, j'ai Amr, et j'ai Omar. Un exemple. Maintenant, les trois. Zayd, c'est lui qui a donné le hadith à Amr. Et Amr a donné à Omar. Maintenant, pour être sûr que Amr a pris le hadith de Zayd, je dois savoir s'ils ont fait la même époque. Et Zayd a réellement vu, Amr a réellement vu Zayd. Donc si je me rassure de cela, qu'il a réellement vu, il a pris la science avec lui, j'appelle ce hadith muttasil. Ça, de Amr à Zayd, c'est muttasil. Maintenant, je reviens derrière, je regarde le rapporteur qui suit, qui est Omar. Sur ce rapporteur-là, je vois aussi qu'il a fait la même époque que Amr, pas Zayd maintenant, que Amr, parce qu'il a pris le hadith avec Amr. Si il a fait la même époque que Amr, alors, et il a pris avec lui, il a vu, parce qu'il peut faire la même époque, mais n'est pas sûr voir. Parce que l'autre est dans un pays, un autre est dans un autre pays, n'est-ce pas? Donc si je suis sûr, à travers les riwayat, à travers les kutub, à travers sa biographie, qu'il a réellement vu Amr, Omar a réellement vu Amr, c'est mutasil. Mais, si Omar n'a pas vu Amr, même s'ils ont fait la même époque, c'est mon côté. Le hadith, c'est mon côté. C'est pas mon côté. Vous comprenez? Donc, les deux sont mutasil. Mais, wassalis rawahu mursalan. Le troisième a rapporté mursal. Mursal, c'est mon côté. Mursal, c'est quoi? C'est le hadith qui se limite à un compagnon. Et ça n'arrive pas jusqu'au professeur Hassan. D'autres disent que ça se limite à un tabi'i. Mais voilà que Mursal, c'est là où le hadith est interrompu à travers un tabi'i. Car le tabi'i, s'il ne remonte pas au sahabi, alors le hadith est Mursal. Mais s'il remonte au sahabi, le hadith est mawkouf. Mawkoufun ala sahabi. Mais il n'est pas marfou, c'est ce qui monte jusqu'au professeur Anselm. Donc on va continuer pour ne pas qu'on rentre dans la science du hadith, des terminologies des hadiths. Cela nous facilite, je vais mieux vous expliquer si Allah nous accorde une occasion d'étudier un livre de hadith. Mais ça, c'est lorsque vous aurez vraiment ceux qui ont les niveaux pour pouvoir le faire. La moustache. Donc, ce hadith est rapporté par Abu Dawud ibn Majah. D'après Abu Rayra, mais le hadith n'est pas sahih. Walakin as-salaf, mais les salaf, à la karahiyat zalik, ils sont sur le caractère détestable de fermer la bouche pour prier. Mais, c'est pas interdit. Ça va? Illa li haja, sauf s'il y a un besoin, katartiyat al-fam, li tasa'ub, comme le fait de fermer la bouche si on veut bailler. Aurahatim kariha, ou bien il y a une mauvaise odeur. Et autre que cela. S'il y a une mauvaise odeur, on ferme la bouche. N'est-ce pas? Toyib. Wasadal al-Bad bil hadith. D'autres se sont basés sur ce hadith et ont argumenté. Wal-Bad al-Lal al-Zalik. D'autres ont justifié ce hadith. Bi anna ulaysa. Ils ont justifié pour dire annahu laysa min al-adab. Que cela ne fait pas partie du comportement lorsqu'on s'adresse à Allah. C'est-à-dire, ils ont justifié comme ça pour dire que c'est pas permis de fermer la bouche. Parce que tu fermes la bouche, ce n'est pas le adab pour s'adresser à Allah. Tout ça, ce sont des akwal bina'an ala ara. C'est sûr, des opinions. Mais ce que nous disons, c'est que c'est pas interdit de fermer la bouche, mais c'est détestable. Ça va? Encore ou rien, Zalik. Ils ont dit autre que cela, non? Non. La bouche avec le cache-nez. Ah, fermer la bouche avec le cache-nez. Non, c'est ce qu'on a dit, c'est détestable, sauf s'il y a une cause. Ça va? Légiférer aussi. Dans le temps de Corona, c'était une cause légiférée, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on craint quoi de Corona? Est-ce qu'on parle même déjà? Hein? Donc tu fermes pourquoi? Il y a d'autres qui se sont tellement habitués. Il y a d'autres aussi là, c'est comme les gens, ils disent Chokoya, ils portent ça pour... Voilà. Parce que les grandes personnalités, ils se sont habitués à porter ces cache-nez-là. Non, lui aussi. Il y a d'autres aussi, c'est à cause de la poussière aussi. Quand ils portent pour la poussière, qu'ils viennent à la mosquée, après, ils n'enlèvent plus. Mais là, c'est makrouh, c'est détestable de porter cela pour prier. Mais ce n'est pas interdit. Ça n'annule pas aussi sa prière. Ensuite, la masala qui suit, c'est wala yatanakhamu. Il ne fait pas le tanakhum. Le tanakhum, le aslu, c'est le fait de faire le bruit pour faire sortir le crachat. C'est-à-dire qu'il fait... Ça va? Adamana, tanakhum, fils sola. Mais ici, le tanakhum qui est parlé ici, c'est al-basru. C'est le crachat. Il ne doit pas cracher dans sa prière devant lui. Kibala wajhi, devant lui. Wala an yamini, ni à sa droite. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, idha tanakhama ahadukum, si l'un d'entre vous crache, fala yatanakhamanna qabla kibala wajhi, qui ne crache pas devant son visage. Wala an yamini, ni à sa droite. وليبصق عن يساره كيل كراش à sa gauche أو تحت قدمه ou bien qu'il crache sous ses pieds, son pied à l'usra, son pied gauche, c'est-à-dire sur le côté de son pied gauche qu'il crache là-bas. هذا معنى. Ça va? وهذا أيضا من دون الصلاة, en dehors même de la prière. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme le hadith vient dans Sahih Muslim, il dit, man tafala tijaha al-qibla, celui qui crache en direction de la qibla, jaa yawm al-qiyama, il viendra le jour de yawm al-qiyama, wa taflatuhu bayna aynay, le crachat qu'il a fait tijaha al-qibla sera entre ses deux yeux le jour de yawm al-qiyama. Donc Adatan dit, il faut vraiment prêter attention. Si tu ne sais pas où est la Qibla, tu as craché. Mais l'afdol, c'est de cracher sous tes pieds. Ne crache pas en direction comme ça devant toi. C'est dans la prière ou bien? Même pas dans la prière. Même pas dans la prière. Pour la prière, j'ai dit cela. Et le hadith que je viens de donner, ça c'est en dehors même de la prière. Mantaf ala tijah al Qibla, celui qui crache en direction de la Qibla, il viendra, son crachat est entre ses deux yeux. Le jour de Yawm al-Qiyam. Donc c'est très important. Al-Ahsan, si tu veux cracher, même si ce n'est pas dans la prière, crache sous tes pieds. Voilà, le pied gauche, crache là-bas. Ça va, devant toi. Mais ne lance pas le crachat devant toi. Comme certaines personnes le voient dès qu'il lance devant lui. Ça va? Allez, c'est minel adab. Compris? Non. Faut crier, faut cracher sur le tapis de quelqu'un. Ça va ce qui va se passer. Et tu viens dans ma mosquée, tu ne suis pas mon tapis et puis tu veux cracher dessus. Parce qu'on dit de cracher à côté. Yarajoul. Doucement. Oui, mouchoir, c'est possible. Mouchoir, c'est possible. Ça va? C'est-à-dire, tu prends le mouchoir, tu tournes la tête légèrement à gauche, et puis tu mets dans le mouchoir. Alayadouz. Ça va? Ça, c'est permis. Wayaqtulul hayyata. La masala qui suit maintenant est qu'il est, il doit tuer le serpent. Wala aqrab, le scorpion, fils soit là, dans la prière. Ce n'est pas ses préférables s'il voit, il doit tuer. Hein? Il doit tuer le serpent et le scorpion. Les kawli israélien, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un ordre, il a dit, O kutulu al-aswadaini, fils soit al-aswadaini, les deux choses noires, al-hayyatu, le serpent ou l'aqrab et le scorpion. Ça va? On voit certaines personnes dans les images, ils mettent le gars qui est en train de prier, le serpent est venu, il n'a pas bougé. Donc ça montre qu'il a couché. C'est le problème quand tu n'as pas la compréhension. Si tu vois le serpent, pendant la prière, tu dois même le tuer. Tu dois le tuer. Tu dois tuer aussi le scorpion. Ça va? On va voir les autres. On va voir les autres tout à l'heure. On vient de voir deux. Wa fi sahihayni, dans les deux authentiques, qala sallallahu alayhi wa sallam, khamsun min ad-dawab. Hein? Cinq choses parmi les animaux, kulluhunna fasiq. Fasiq. Fasiq, c'est-à-dire détruisent. Oui, tcheni kelali. Yaqtulna fil harami, il doit être tué dans le haram. Ça va, même ceux qui sont dans la sacralisation. C'est interdit de chasser. Mais ces animaux-là, on les tue. Ça va? Al-fa'aratu, le rat. Ça va? Ou la souris, jins wahi. Toyib, wal-akrab, le scorpion. Wal-ghurab, le corbeau. Ça va? Walhudia, le milan. C'est-à-dire comme l'aigle. Ça va? C'est un animal. Comme l'aigle. Tu le vois? On l'appelle le milan. Walkelb l'akour. Et le chien enragé. Ça va? Wafi riwaya, dans une autre riwaya, كان يأمر بقتل القلب العقور. Il ordonnait de tuer le chien enragé qui est mort, le chien qui est mort et qui est enragé. والفاره, le rat. والأقرب, le scorpion. والحديا, le milan. والغراب, ainsi que le corbeau. والحياء, et le serpent. قال في الصلاة أيضا, même dans la prière. Il faut tuer ces animaux. Donc ce hadith vient d'un muslim. Et c'est le hadith d'Ibn Omar. Naam. Voyez. Wa idha hadara al-asha. On a qu'un farq bayna asha wa l'isha. Asha, c'est la nourriture du moment de Isha. Isha, c'est la prière. Voyez. La nourriture du soir, on appelle cela en arabe Asha, al-Asha'u. La prière du soir, on appelle cela al-Isha'u. Ça va? Bon, iza hadara al-Asha wa uqimat as-salat. Si le Asha est présent et que la prière est dressée, bada bil-Asha, il commence à manger d'abord. Iza wudi al-Asha, si on dépose la nourriture du Asha, wa uqimatu salat, et que la prière a été, ils ont fait iqama, c'est ce qui veut dire uqimatu salat. Ils ont fait la iqama, fabda'u, c'est la parole du prophète, il dit, fabda'u bil Asha. Ça va? Commencez avec le Asha. L'explication de ce hadith, ce n'est pas ce qu'on voit de certaines personnes. Écoutez très bien. La nourriture est là. C'est prêt depuis longtemps. Et lorsqu'on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ash-Hadu Allah, il dit un an dominé. Allah Khulfi. Ibn Qayyim il a très bien expliqué cela. L'ayat Khulfi. C'est-à-dire, lorsque la nourriture est prête, et ça tombe sur le moment des Isha, faqad dimu al-Asha. Dévancer le Asha. Wada dalilun, c'est la preuve qui montre que les salaf, les sahaba, كانوا يقدمون et devançaient le Asha vite. Souvent avant même la prière de Isha. Car cela est bon pour la digestion. Mais aujourd'hui, les gens y tardent à lâcher. Si ce n'est pas 23h minuit, lui ne mange pas. Et quand il mange maintenant, il mange beaucoup. Et puis il dort. Fajr, sauf si on fait du'a pour lui. Allahumma istayqidhu, Allah réveille-le, on fait du'a pour lui. Sinon, Allahumma musta'an. Donc c'est très important. Ici dans le hadith, iza hadara al-asha, ça veut dire quoi? Si le asha est prêt au moment de, au moment de Isha, alors on dévance le Asha. Pourquoi? Parce que celui qui prie, il peut penser au Asha. Surtout si on dévoile le Asha, il y a les vrais. Il y a la viande, poisson, de bons trucs dessus. Ah. La prière. Ah. La partie, c'est que si la nourriture est déjà prête depuis longtemps, certaines personnes déposent, ils causent, discutent. Et quand l'heure de Isha arrive, c'est là qu'ils disent emporter la nourriture. Parce que le professeur a dit, on dévance Asha avant de Aza, l'ayat Khulfi. Ça ne rentre pas dedans. On parle de quand la nourriture est servie. Et ça tombe sur le moument de Isha, Fabda'u bil Asha. Ibn Qayyim a très bien expliqué cette masala. Vous ne pas que les gens pensent que c'est Da'iman. D'autres vont faire exprès pour retarder. Et au moment de la prière, ils vont dire, la salata ida hadratit ta'am. Hein? Il n'y a pas de prière. Donc, c'est très important de comprendre cela. Tu as compris? Donc, ici, wa qala Abu Darda. Abu Darda, il dit, min fiqhil mar. De la compréhension, fait partie de la compréhension et de la science d'une personne, iqbalu ala hajati, c'est de faire ses besoins, hatta yuqbil ala salati, pour pouvoir se diriger bien dans sa prière. C'est-à-dire, il devance ses besoins d'abord. Avant de venir, se diriger vers la prière, wa qalbuhu fariq. Et ça trouve que son cœur est vide. Il n'a plus de besoin. C'est-à-dire, la parole d'Abu Darda, comme cela vient dans le Ta'liq de l'imam Bukhari. Quand on dit Allah al-Bukhari, ça ne veut pas dire que c'est Mindim ni Sahih Bukhari. C'est une parole qui vient dans Bukhari, mais Bukhari a envoyé cela comme une annotation pour renforcer un hadith ou renforcer quelque chose. Mais, cette parole ne fait pas partie de Mindim ni Bukhari quand on dit Sahih. Parce que les ta'liqs qui sont dans Bukhari, il y a d'autres ta'liqs qui ne sont pas authentiques. Ça va? Mais les hadiths qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Bukhari, ils sont tous authentiques. Ça va? Il faut comprendre cela. Parce que il y a une choubwa qu'une personne a eu souvent. Il a dit, mais Cheikh Albani a corrigé certaines paroles dans Bukhari. Donc, ça veut dire que Cheikh Albani a corrigé Bukhari, le livre que tous les savants sont d'accord dessus, pour dire que c'est authentique. Cheikh Albani, il a eu cœur pour rentrer dans ce livre-là pour corriger. Et alors, je m'en fahimta. Tu n'as pas compris la masala. Hein? Tu ne sais pas? Fasse al, pose la question. Fa inna ma shifa wa ra'iyi as-su'al. Le remède de l'ignorance, c'est quoi? Pose la question, au biflaqué. Ils vont te guérir. Ou bien, là où ça. Donc, mais faire que Radou, ce qui montre la compréhension d'un homme, c'est de faire ses besoins avant de se diriger vers la prière. Car c'est makrou de prier en repoussant al-okhbosaï, c'est-à-dire les deux, l'urine et le déchet. Tu vois, certaines personnes, ah, ils sont là, ils sont en train de repousser, ils se concentrent. Ah, ils déchargent toi. Faut sortir de la prière. Hein? Comme cela arrivait une fois avec un musée. On va terminer avec cela. Le musée, moi j'étais dans le rang, hein. Le musée, il avait envie de pisser. Ça chauffait. Donc, quand l'imam dit Allahu Akbar, tu attends, il me dit Allahu Akbar. Il se concentre pour descendre. Sa voix a changé. Il dit, aïe, moi, je suis dans la prière. Il dit, aïe, il a un problème. Il entend, il se tord. Oh, il se tord. Jusqu'à la fin de la prière, dès que l'imam a dit salam alaykoum, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il n'a même pas lancé ça. Dès que l'imam a lancé salam net, paf, il est sorti. Wahoua yusar siru. Il est en train de faire de l'urine. L'urine même, certaines parties injectaient même au sol. C'est-à-dire, descendaient. Azadjal. Ça, c'est l'ignorance. N'est-ce pas? Yukra, c'est détestable de prier en repoussant les okhbousaini, les deux, l'urine et les déchets. Si tu sens dans sorif, tu quittes la prière. Ça va? Mais tu t'es fait du tort, pourquoi? Hein? Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous guise enfin sur le droit chemin. On termine avec cette partie. Il dit, wa yukrahu an yusalli, c'est détestable qu'il prie, wa huwa musham mirun siyaba. On a déjà vu cela. Musham mir, c'est ishimal asomma. C'est le fait d'en, c'est-à-dire, porter un vêtement et s'enrouler dans le vêtement. Ce n'est pas permis. Wa akisu shari, et le fait d'attraper ses cheveux et attacher derrière. Ça aussi, c'est pas permis. C'est détestable. Ça va? Naqala. Ibn Jarir a apporté ici al-ijma, le consensus. Ala annahu law fa'ala ahad, mais si quelqu'un l'a fait, la tabtulu salat, sa prière n'est pas nulle. C'est-à-dire prendre un vêtement, se couvrir, ne pas faire sortir la main. Ça, c'est détestable. Ou bien les femmes qui ont beaucoup de cheveux. Ça va? Même si elles n'ont pas pu attacher les cheveux, qu'elles prient comme ça. Mais attraper les cheveux et attacher derrière, ou bien attraper en haut et puis attacher en haut, c'est makrou. Ça va? C'est détestable. Walihi hadith. Il y a sur cela un hadith qui est très clair. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc nous allons arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك